The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Cellar. La cave. Tasting. La dégustation. Wine. Viticole. AOC. L'appellation d'origine contrôlée. Great wine. Grand cru. Grape variety. Le cépage. Syrupy. Liquoreux. Color. La robe. To breathe. Humé. Nuance. La nuance. To fill up. S'imprégner. Strong. Corser. Bouquet. Le bouquet. Vintage year. Le millésime. Now, a bit faster. Cellar. La cave. Syrupy. Liquoreux. Cellar. La cave. Bouquet. Le bouquet. Syrupy. Liquoreux. Great wine. Grand cru. Wine. Viticole. Strong. Corsé. Color. La robe. Syrupy. Liquoreux. Bouquet. Le bouquet. To breathe. Humé. Nuance. La nuance. Cellar. La cave. To fill up. S'imprégner. Grape variety. Le cépage. Nuance. La nuance. Bouquet. Le bouquet. Color. La robe. Nuance. La nuance. Syrupy. Liquoreux. AOC. L'appellation d'origine contrôlée. Vintage year. Le millésime. Bouquet. Le bouquet. Wine. Viticole. Nuance. La nuance. Cellar. La cave. Now, use the words in context. Viticole. Maintaining this vineyard has been his passion for years. L'entretien de ce domaine viticole est sa passion depuis des années. L'appellation d'origine contrôlée. This high-quality champagne has an appellation of controlled origin label. Ce champagne de grande qualité est d'appellation d'origine contrôlée. Imprégner. To achieve this aria, the composer must have immersed himself in all the sadness that the character was feeling. Pour réaliser cette aria, le compositeur a dû s'imprégner de toute la tristesse que ressentait le personnage. Le bouquet. That wine gives off a very pleasant bouquet. Ce vin dégage un très agréable bouquet. Le millésime. I strongly recommend this wine. It's a very good vintage. Je te recommande fortement ce vin. C'est un très bon millésime. Viticole. Maintaining this vineyard has been his passion for years. L'entretien de ce domaine viticole est sa passion depuis des années. L'appellation d'origine contrôlée. This high-quality champagne has an appellation of controlled origin label. Ce champagne de grande qualité est d'appellation d'origine contrôlée. Imprégner. To achieve this aria, the composer must have immersed himself in all the sadness that the character was feeling. Pour réaliser cette aria, le compositeur a dû s'imprégner de toute la tristesse que ressentait le personnage. Le bouquet. That wine gives off a very pleasant bouquet. Ce vin dégage un très agréable bouquet. Le millésime. I strongly recommend this wine. It's a very good vintage. Je te recommande fortement ce vin. C'est un très bon millésime.